Les Titans du Cégep Limoilou. Nous visons le développement d'étudiants athlètes qui participent activement à la vie sportive du Cégep. Au calendrier cette semaine, ce vendredi 22 novembre, volleyball masculin division 1, Limoilou reçoit Sherbrooke à 19h30 au Campus Québec. Samedi 23 novembre, basketball féminin division 1, Limoilou reçoit Sainte-Foy à 11h au Campus Québec. Basketball masculin division 2, Limoilou reçoit Sainte-Foy à 13h au Campus Québec. Et dimanche le 24 novembre, volleyball masculin division 1, Limoilou reçoit Outaouais à 13h au Campus Québec. Les Titans du Cégep Limoilou, une dynastie depuis plus de 35 ans. Tous les vendredis, après la semaine du travail, écoutez CKRL pour une soirée toute musicale. Découvrez et redécouvrez des musiques de styles variés. Jazz, funk, blues et metal. Les vendredis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. En plus de ces merveilleux fromages, Yannick Fromagerie vous propose en exclusivité la bière à fondue. C'est un savant mélange d'orge, de houblon et de moût de Riesling aux saveurs fruitées et à l'acidité rafraîchissante. Elle sera la compagne idéale d'une réconfortante fondue au fromage. L'équipe de Yannick Fromagerie râpera pour vous les fromages que vous aurez sélectionnés. Il ne reste plus qu'à ajouter du pain et des amis. La fromagerie Yannick, 901, 3e avenue, au cœur des Alpes de Limoilou. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1. Avec un peu de retard, c'est l'Aérospatial, votre magazine sur les arts visuels à Québec. Ici Myriam Leland, toujours en remplacement de Gentiane La France. C'est pour la dernière semaine. Dès la semaine prochaine, Gentiane et moi co-animerons avec plaisir cette émission. Donc, ce soir à l'émission, on reçoit Gloire Mounoko en studio pour parler de son exposition Multiface à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. On s'entretient avec Caroline Belzile-Normand pour le finissage de son installation vidéo Olfiction à l'œil de poisson. Et finalement, en fin d'émission, Anouk Vervier nous rend visite pour parler de son projet de résidence au Centre Regard qui s'intitule Au milieu des bureaux empilés. Ce soir, Simon Roy me fait pratiquer mon néerlandais avec sa sélection musicale. Après le yiddish de la semaine dernière, c'est le néerlandais cette semaine. Lors de nos quatre pauses musicales, on découvrira Altin Goon, un groupe de musique néerlandais, comme je l'ai dit, originaire d'Amsterdam. C'est un groupe de rock et de folk psychédélique qui s'inspire de la musique moderne turque des années 60-70. Donc, on se laisse pour une courte pause musicale avec la pièce Yolku. Puis, Gloire Mounoko nous rejoint en studio pour la première entrevue de la soirée. Bir anadan dünyaya gelen yolcu Görünce dünyaya gönül verdin mi? Görünce dünyaya gönül verdin mi? Kimi büyük, kimi böcek, kimi kum. Kimi büyük, kimi böcek, kimi kum. Merak edip hiçbirini sordun mu? Bunlar neden, nedenini sordun. Bonsoir, vous êtes toujours sur les ondes de CKRL 89.1 à l'émission L'Aérospatiale. J'ai avec moi en studio Gloire Mounouko. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Gloire, tu es ici pour nous parler de ton exposition. C'est ta première exposition solo? Oui, oui, parfaitement. Qui s'intitule Multiface. Donc, c'est à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. C'est quand même long comme nom. c'est du 2 au 21 décembre. Puis le vernissage, c'est pas ce samedi, c'est... C'est le samedi prochain, le samedi 7. Exactement. Peux-tu nous parler un peu de ce qui se trouve dans cette exposition-là? Multiface, je dirais, c'est comme une thérapie personnelle. Mm-hmm. C'est un peu la synthèse des situations qui me tiennent à cœur par rapport à mon phénotype, que j'ai essayé d'exprimer en trois séries de photos. Il y a une série de photographies qui part de l'histoire de mon pays. Mm-hmm. Je viens de la République démocratique du Congo, et puis c'est un pays qui est en guerre depuis près de 20 ans. Ouais. Donc, je raconte un peu une histoire chronologique sur les grandes parties des guerres qui se sont passées dans mon pays et qui continuent à s'y passer. Et il y a une autre série de photographies qui concerne le féminicide dans mon pays, parce que en République démocratique du Congo, les femmes sont tuées par rapport à leur situation de femme, tout justement pour détruire la société. Mm-hmm. Ce qui force l'exode dans des zones de ressources minières, parce qu'il y a des grosses querelles et des grosses guerres par rapport aux ressources minières qui sont... Le coltan et le talton, c'est les produits qui nous fournissent les matières premières pour nos batteries de smartphones. Et puis, c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de viols, tout justement pour détruire la société. Et puis, c'est vraiment brisé. Le viol est utilisé comme une arme de guerre. Comme une arme de guerre dans mon pays. Ouais. Efficace d'ailleurs, malheureusement. Oui, très très efficace. Et puis, c'est une situation qui me tient à cœur parce que voilà, j'ai essayé d'expérimenter ça. Et j'ai rencontré des personnes qui ont vécu cette situation. Ils m'ont parlé, j'ai lu des articles dessus, ce qui m'a poussé à faire cette deuxième série que j'appelle Vanity of Vanities. Ensuite, il y a une dernière série qui parle plus, qui essaie de mettre en valeur plus le côté un peu plus féministe, un peu plus prononcé de la beauté de la femme africaine. Comment est-ce que je le vois? Et comment est-ce que la plupart des femmes ont du mal de s'exprimer par rapport à leur beauté africaine, mm-hmm. à l'assumer. Oui, parce qu'il y a un gros préjugé sur les femmes africaines, femmes noires en général. Oui. sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau. Qu'est-ce qui n'est pas beau, oui. L'attitude aussi, le fameux stéréotype de la femme noire furieuse et tout ça. C'est quelque chose que tu explores dans tes œuvres? Oui, c'est quelque chose que j'explore définitivement dans ce travail-là, que j'appelle Kiini. Mm-hmm. Kiini qui veut dire en swahili essence. T'sais, je parle de l'essence de la beauté de la femme africaine. Comment est-ce que je la vois? Comment est-ce qu'elle est reine? Comment est-ce qu'elle est belle? Donc, c'est ce que je veux essayer de mettre en valeur dans ce travail-là. Est-ce que c'est des femmes que tu connaissais à la base? Est-ce que ce sont des modèles? Parce qu'en fait, on ne l'a pas dit, mais tu es photographe. Oui. Est-ce que c'est que des photos qui sont dans ton exposition? Quel type d'œuvres on peut voir? Les personnes qui sont représentées dans mes photos sont des personnages. D'accord. C'est des modèles que je rencontre, avec qui je discute. Et puis, on essaie de mettre en scène une certaine réalité. Comme vous pouvez voir dans ma démarche artistique, j'utilise beaucoup le code de photographie de mode. Oui, c'est ça, le code de publicité aussi. Le code de la publicité. Parce que j'ai un background en design graphique. Okay. Et c'est à cause de ça, tout justement, que je suis allé chercher cet élément-là dans mon travail pour pouvoir attirer le regard des gens. Mm-hmm. Les gens sont vraiment attirés par ce qui est beau. Et j'essaie de faire une certaine métaphore visuelle de manière à ce qu'il y ait une vérité qui se cache derrière mes œuvres. C'est qui peut-être très choquante, mais c'est ce que je voudrais dire. Mm-hmm. Ben sans nécessairement être choquant, c'est très chargé émotivement, puis c'est souvent dans notre société très confortable occidentale, on a tendance à s'éloigner de ces images-là pour ne pas avoir à les subir. Donc ta méthode à toi, c'est d'utiliser justement des codes qui sont plutôt occidentaux, parce que la photographie de mode et de publicité, c'est très occidental pour parler de d'autres réalités, justement. Oui. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose qui va quand même briser ce rythme-là, parce qu'il y aura deux vidéos qui vont être projetées, parce que quand vous faites la photographie, forcément, vous finissez par chuter dans la vidéo. Et puis, il y a deux vidéos qui vont être projetées, et il y a des images réelles documentaires qui vont être projetées sur les réalités qui se passent à l'Est, surtout de l'hôpital de Panzi. Oui, où il y a le docteur Denis Mukwege, c'est ça, qui avait, pour ceux qui ont dû en entendre parler, il faut habiter sous une roche pour ne pas en avoir entendu parler, c'était le prix Nobel de la paix. 2018. 2018, exactement. Oui. Ouais. Puis ces images documentaires-là, est-ce que c'est toi qui les as tournées? Non. Non? Où est-ce que tu les as prises? Ce sont toutes des images qu'on peut retrouver à portée de main sur Internet. D'accord. Donc ça fait partie un peu d'une installation dans ton exposition. Puis dis-moi, justement, tu parlais de ton background en graphisme. Sur ton site web, ton portfolio, on peut voir plusieurs images justement d'affiches, de promotions pour beaucoup d'événements culturels reliés à l'afrocentrisme, reliés à la culture africaine, afro-américaine. J'imagine que c'est quelque chose qui te tient à cœur, bien sûr. Oui, parce que quand on traverse l'océan, on quitte chez soi, c'est là que tu découvres que t'es noir. Oh ouais. Ça fait un peu mal, un peu brusque de le dire comme ça, mais c'est là que tu te rends compte que t'es noir. Tu rencontres des bonnes personnes, mais tu rencontres aussi des personnes qui te font comprendre que t'es pas chez toi. Et il faut se le dire que l'histoire n'a jamais été le passé. Donc, comme l'histoire n'a jamais été le passé, je ne peux pas être un artiste plasticien à cette période et ne pas parler de ce qui touche mon phénotype. Ce serait un crime pour moi de désavouer là d'où je viens, l'histoire de mon peuple, l'histoire de mon pays, l'histoire de mon phénotype. Aujourd'hui encore, il faut se dire que beaucoup de personnes regardent certains noirs différemment, parce que si votre arrière-grand-parent rencontre votre premier noir dans un zoo, ça se transmet de génération à génération, et dans sa tête, l'homme continue à penser qu'il est supérieur, alors que c'est juste l'éducation qui a été truquée. Donc, c'est avec cette démarche-là que j'ai décidé de faire un travail engagé. C'est dans tout ce que je fais, je voudrais donner une valeur non seulement à ma culture, mais aussi promouvoir les différences qui créent la richesse, surtout qu'on est à Québec. Et je pense que c'est l'un des meilleurs endroits où je peux m'exprimer en faisant ce travail. Oui, surtout avec un domaine artistique aussi développé à Québec. C'est bien d'avoir des pratiques plus variées, justement, qui apportent des réflexions qu'on ne voit pas tous les jours. Oui. Qu'est-ce que tu cherches à provoquer comme réflexion avec ta pratique? D'abord, premièrement, j'essaie d'éveiller les consciences. Éveiller les consciences des autres, mais aussi éveiller les consciences dans notre propre communauté. De s'entraider, de poser des gestes. J'essaie à ce que les gens comprennent que peu importe le domaine dans lequel vous êtes, si vous avez les moyens de faire évoluer les mentalités dans votre domaine, vous devez le faire. Que vous soyez chirurgien, que vous soyez philosophe, que vous soyez écrivain, il est important de parler des situations qui touche votre société. C'est la première des choses que je voudrais que les gens apprennent. Deuxièmement, c'est donner de la valeur à ma culture. Parce que quand on grandit, quand on est éduqué dans un pays africain, on apprend des tas de chapitres sur le colon. Mm-hmm. Et ce qui est drôle pour moi, c'est que j'ai appris ma vraie histoire quand je suis arrivé ici. J'ai eu accès à Internet, j'ai eu accès à des livres, j'ai eu accès à des profs qui m'ont aidé à regarder des documentaires qui ne m'ont pas révolté, mais qui m'ont donné raison sur ce que je pensais. Ouais, c'est quelque chose que tu sentais déjà. Oui. Et je voudrais pas que les autres continuent à me voir comme je me voyais avant. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle j'appelle l'exposition multiface. C'est ma différente manière de voir ma culture, ma différente manière de me voir moi-même par rapport aux autres et de comment les autres me voient. Les différents regards qui sont posés, vraiment comme un cube. Sur lesquels il y a différentes faces. Mais merci beaucoup, Gloire. Vraiment intéressant comme entrevue. Je suis très contente que tu sois venue nous voir. Merci beaucoup. On se laisse pour une courte pause audio encore. Et au retour de la pause, on a Caroline Belzile-Normand. Merci beaucoup. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Toujours sur les ondes de CKRL 89.1, vous écoutez L'Aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels à Québec. Donc, ce qu'on vient tout juste d'entendre, c'était l'artiste Altin Gunn. Et le titre, c'était, encore une fois, pardonnez mon irlandais, Vai Dunia. En studio, on a avec nous Caroline Belzile-Normand qui est ici pour nous parler du finissage de son exposition « Olfiction » dans la Grande Galerie de l'Œil de Poisson. Bonsoir Caroline! Bonsoir Myriam! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Très bien, je suis très contente de te recevoir avec moi en studio. On parlait justement hors d'onde que le finissage qui a lieu vendredi, le 29 novembre, dès 18h, c'est aussi une opportunité de présenter la résidence de Francis Arquin qui est qui est là. Oui, il a fait une résidence ouverte, en fait, depuis octobre. Puis ça va être l'occasion de découvrir son travail qui va être plus finalisé dans le fond dans la galerie. Puis il a vraiment joué avec des éléments contextuels de la galerie, puis des éléments du quotidien aussi qu'il a construit au fil de sa résidence. C'est à découvrir. OK. Est-ce que ça se lie un peu avec ton travail ou c'est complètement différent? Ben, il y a peut-être des aspects formels qui sont assez intéressants dans le travail de Francis, qui me rejoignent beaucoup aussi dans ma pratique. Mais disons, dans le développement ou le processus artistique, il y a quand même des dissemblances et des ressemblances, je dirais. OK. Ouais. Parce que toi, t'es vraiment dans le résultat est pas nécessairement ludique, quoi qu'il peut l'être, mais pour t'avoir rencontré dans le cadre de l'exposition Double Double qui avait lieu lors du mois multi, t'es très ludique dans ta manière de créer. Oui, ben en fait, pour moi, même le ludique, je le remplace par la frivolité. Ah oh, oui, fait. J'aime ça, frivolité. Parce que, ben je sais pas, il y a quand même un certain contenu historique qui est très lourd et chargé dans le ludique. Puis c'est pour ça que dans ma pratique, je trouvais que la frivolité était plus, se prêtait mieux à ma pratique par rapport à une certaine légèreté aussi dans le processus. Oui. Puis aussi les méthodologies qui sont très importantes, même pour moi, plus importante que le résultat du travail. Oui, c'est ça, parce que je me rappelle t'avoir posé des questions, justement, de « Ah, ben, qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là? » Puis, ben, c'était le fun, mais après ça, une fois que tu te mets à construire tes dispositifs et tout, t'es très méticuleuse aussi. Oui. On aurait tendance à dire que c'est opposé, mais pourtant, ça fonctionne très bien. Oui, merci. Puis tu disais que Francis avait des aspects formels qui pouvaient être semblables un peu à... Oui, ben en fait, il a beaucoup joué avec l'aspect du lieu en lui-même, dans le fond, comme par exemple les poutres au plafond de la petite galerie qui a reproduit dans, disons, un espace... qui est plus à notre niveau, un peu plus bas. Puis il y a certains éléments comme des fenêtres, des stores, mais qui est factice, en fait, qui est reproduit par des objets, dans le fond, comme des stores qu'on voit dans le milieu domestique chez nous. Dans le fond, ouais, c'est ça. Okay. Mais là, suffit de parler de Francis, c'est toi qu'on veut entendre. Qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition-là, le fiction? Qu'est-ce que c'est? Je pourrais revenir sur un peu l'histoire du processus. Oui. Ça a commencé en 2014. J'ai eu une bourse première ovation avec Avatar pour produire un CD, une publication audio sur le son, les odeurs, puis un peu de poésie à travers ça. Oui, ça s'appelle Odeur sonore, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'était Odeur sonore. Puis, en fait, c'était de relier des concepts, le vocabulaire, à des représentations mentales de l'olfaction. Dans le fond, comment se représenter l'odeur par le son et aussi le vocabulaire, ce qui est quand même un défi aussi, je dirais. C'est assez difficile, des fois, d'écrire des odeurs, là. Oui. Souvent, quand on essaie de décrire une odeur, on va dire « Ah, ça sent comme telle chose », on va toujours le référer à autre chose. Exactement, puis c'est lié aussi à beaucoup l'expérience personnelle, il y a quelque chose d'intime, il y a aussi quelque chose de contextuel, culturel, donc je dirais que c'est une appropriation intime de l'odeur qui n'est pas universelle. Puis à travers ça, ensuite, j'ai fait une résidence à Diamond où j'ai développé justement un film d'animation qui était en lien avec les pistes sonores que j'avais prises, que j'avais fait chez Avatar. Puis ça avait été un peu sur la glace parce que j'avais eu beaucoup de projets, puis j'ai essayé de finir ce film d'animation-là que j'ai fini cet été, puis j'ai eu cette proposition-là justement d'occuper la galerie d'apport comme un lieu de, on pourrait dire, pour un DJ set, pour un VJ set, DJ set en fait, pour occuper l'espace comme un lieu de, un peu comme une piste de danse, puis tout ça, puis après, j'ai eu l'opportunité de le faire comme une exposition, donc étant donné que c'est un finissage, j'ai continué cette exposition-là pour m'approprier vraiment l'espace, puis de créer, l'aspect... odeur va être représenté. Il devenait comme une représentation visuelle, textuelle, puis là, il va devenir un aspect, plus concret. Donc, on va sentir des choses? Oui. OK, d'accord. Oui. Ben, pour vous donner un petit indice, des on pourrait dire des parfums floraux occuperont la galerie vendredi. D'accord. Tu piques notre curiosité, on a hâte de voir ça. Puis formellement, de quoi ça a l'air dans la galerie? Je crois qu'il y a des mots au mur. Oui, c'est ça. J'avais fait aussi une exposition à Art Prime où j'avais fait un GIF avec un vocabulaire de la sommellerie. Oui. Puis en ayant cet espace-là, la grande galerie de l'œil de poisson, ben ça m'a permis d'étaler ce vocabulaire-là sur les murs. Par exemple, certains mots comme exaltant, suave, enivrant, qui occupent la galerie, mais aussi qui évoque pour moi des auteurs. Puis j'ai aussi pris des extraits. Ben, il y a l'entièreté de mon film d'animation qui est projeté de manière un peu tout croche sur les murs avec avec le vocabulaire, puis des extraits aussi avec avec certains qui sont en lien avec les mots qui sont représentés sur les murs. Donc une projection tout croche mais calculée. Oui, tout exactement. De même. D'ailleurs, on parlait tantôt de ta frivolité, puis quand on regarde ta démarche un peu, on remarque, dis-moi si je me trompe, une genre de critique un peu de la méthode scientifique, justement par rapport à l'olfactif. Souvent, on va essayer d'être le plus neutre possible pour que ce soit le plus universel possible, que tout le monde comprenne, thèse, hypothèse, etc. C'est pas vraiment ce que tu fais. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches? En fait, au départ, oui, mais ça a changé avec le temps. Je te dirais que je suis revenue sur cette critique-là, puis je m'approprie la frivolité comme une méthode scientifique. Ah! Donc, avec le temps, c'est devenu comme... c'est tellement devenu une appropriation ancrée que je pousse aussi à travers mes films d'animation, mais aussi à travers mes études en cinéma d'animation, que je veux que la frivolité devienne quelque chose de scientifique, de méthodique, qui devienne vraiment pas nécessairement objectif, mais d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Ouais. Qui devienne un outil de mesure pour les méthodologies en cinéma d'animation. Parce que ta pratique, c'est beaucoup... Il y a plusieurs artistes qui vont travailler pour justement susciter des réflexions, des émotions chez les spectateurs. Tu travailles plus au niveau de la recherche, je crois. Oui, c'est vrai que c'est mon cas. En fait, j'ai un certain plaisir dans la création, puis c'est vraiment là que le processus puis le travail prend forme. Je dirais pour la réception du spectateur, c'est quelque chose qui est important pour moi, mais en même temps qu'on dirait que ça prend forme. C'est comme un plus, dans le fond. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un plus après. Puis je l'ai vu aussi à l'œil de poisson quand c'était justement le gros DJ set avec la soirée de Mieux vaut tard. C'est là que j'ai vu justement une espèce d'effervescence autour de tes œuvres, ouais, de ton installation. Puis des vidéos aussi qui jouaient avec les DJ qui étaient sur place. Donc, je trouvais ça intéressant, tout ce que cette ambiance-là festive venait par rapport à la thématique et cette réception-là est un peu inattendue, mais en même temps, c'est une découverte, puis c'est un plus pour mon travail. Bien, merci beaucoup, Caroline, d'être venue nous voir en studio. Donc, c'est le finissage de l'exposition Olfiction dans la Grande Galerie de l'Œil de Poisson, finissage, qui est vendredi le 29 novembre, dès 18h. Il y aura des choses à sentir, donc ça vaut la peine de se déplacer. On se quitte pour une pause publicitaire et on se retrouve de l'autre côté de la pause avec Anouk Verrier. ckrl.uc.ca. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Gabriel de la succursale du Vieux-Québec vous suggère Orange amer de Anne Patchett chez Actes Sud. Par son style évocateur, subtil et un brin méta, l'écrivaine signe ici l'un de mes gros coups de cœur de l'année. Orange amer m'a fait perdre quelques nuits de sommeil et je parie qu'il en sera de même pour vous. Et Joël de la succursale de Loretteville vous propose Pas pressé de Lily Pinsonneau aux éditions Québec-Amérique. La plume, aussi sensible que frappante de l'autrice, nous amène à ne vouloir que le meilleur pour sa protagoniste. Pas pressé est un livre qui réchauffe le cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, à visiter dans le Vieux-Québec, à Saint-Roch et à Loretteville. Prendre un métro vide, ça commence toujours bien la journée. Et faire le vide. Ça fait tout le temps plaisir. Mais avoir le ventre vide... Ça, c'est moins drôle. Chaque année, la moitié des comptoirs d'aide alimentaire manque de denrées. Textez « remplir » au 20222 pour faire un don de 10$ à la Guignolée des médias ou directement chez Provigo, Maxi, Jean Coutu et Via Capital. Le 3 décembre, ne ratez pas la 18e soirée Pechakucha Québec. Au menu, 13 personnalités de la capitale unies par la thématique « Célébration ». Se partageront la scène le temps d'y présenter travail, démarche, projet en 6 minutes 40 secondes, accompagné par 20 images défilant de façon automatique à chaque 20 secondes. Arts visuels, métiers d'art, événementiel, animation jeunesse et plus. Rendez-vous le 3 décembre 19h au Tequila Lounge. Entrée 5$. Programme complet sur Facebook à Pechakucha Québec. Vous vivez de l'intimidation au travail? Dénoncer, c'est une décision difficile à prendre. Ici Mélanie Fleurant, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Mes services de consultation ont pour but de vous aider à y voir plus clair à chaque étape de votre démarche. Soit l'analyse et le montage de votre dossier, les recherches en lien avec votre situation et l'accompagnement en médiation. Pour en savoir davantage, visitez intimidationtravail.com. La première consultation est gratuite. Le 19 décembre, au Grand Théâtre, assistez à la toute dernière représentation du spectacle « Viens avec moi » des Hôtesses d'Hilaire. Cet opéra rock déjanté, sur fond de rock psychédélique, influencé par la musique des années 70, est une épopée rocambolesque, avec pas moins de 13 personnes sur scène. Voyez « Les Hôtesses d'Hilaire » le 19 décembre au Grand Théâtre de Québec. Rebonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, toujours en ondes, à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. On a avec Anouk Verviers avec nous en studio. Bonsoir, Anouk. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de me recevoir. Ben, merci à toi de t'être déplacée. On parle ce soir avec toi de ton exposition résidence, en fait, qui s'intitule « Au milieu des bureaux empilés ». Je commence déjà à froid comme ça. C'est quoi? Parfait. Au milieu des bureaux empilés, c'est un projet collaboratif que je développe depuis, ça va faire 2 ans. Puis, dans le fond, c'est un projet qui vise à d'abord à crédibiliser la parole des jeunes dans le débat sur le système d'éducation. Après ça, ça se complexifie, puis ça donne lieu à différentes œuvres et expositions sur ce parcours-là. Mais au départ, c'est vraiment un projet qui est dans les écoles secondaires. OK. Puis en quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais pour donner la parole aux jeunes, on va dire ça comme ça, aux étudiants? Chaque fois que j'arrive dans un lieu, dans le fond, je vais suivre le même protocole. Fait que, dans le fond, j'appelle ça de l'infiltration. Ouh! Exact. Un agent double. Je propose, dans le fond, aux écoles d'animer un atelier T. Puis là, c'est ça qui me permet de passer un peu les murailles administratives puis d'arriver à ce qui me confie une salle de classe. OK! Après ça, dans cette salle-là, je vais recevoir un groupe d'étudiants puis on va pouvoir ensemble créer un espèce d'espace qui est intellectuel, qui est différent de l'espace scolaire habituel, qui est plus non hiérarchique, qui est plus ouvert... où on peut parler d'expérience personnelle, être émotif, etc. Puis on va parler, on va avoir des conversations politiques sur notre système d'éducation puis sur l'institution scolaire. OK. Donc, quand tu prévois ça, quand tu prévois aller en classe, l'école, les professeurs savent pas que c'est un projet artistique? Ça varie. Ça dépend du degré d'ouverture ou de la prof avec qui je travaille. Je dirais qu'en général, là où la prof sait... Parce que ça va être ma personne ressource principale et qui tout connaît ça. Les étudiants. Exact. Mais le but, c'est d'être le plus discret possible, puis que okay. dans le fond, la direction creuse pas trop et pose pas trop de questions, si on veut. Un peu subversif. Oui, c'est ça, exact. Mais il y a en douceur. Vraiment une dimension en douceur, exact. Puis, en fait, là, tu dis, ça fait 2 ans que tu travailles sur ce projet-là. Donc, c'est pas qu'à Regard que tu as fait ça, parce non, que non, Regard, non. t'es là depuis le 14 octobre en ouais, résidence. Je vais avoir fait 2 mois en résidence à Regard, fait que j'ai rencontré des jeunes dans 3 écoles de Lévis. Mais auparavant, cet été, j'étais dans une résidence en Suisse, dans la partie allemande près de Zurich. Et là, j'ai fait 3 écoles aussi. Auparavant, j'étais à Carleton-sur-Mer avec Vastévague en Gaspésie et je l'ai autoproduit à Montréal en 2018 dans 4 écoles secondaires aussi. OK. Quand tu dis autoproduit, c'est que... Je l'ai fait par moi-même. En fait, j'avais pas d'espace de diffusion encore qui m'était associé. C'était à cette étape-là du projet, c'était vraiment qu'un projet collaboratif dans les écoles. OK. Est-ce que tu considères ça comme de l'art communautaire, de l'art social? Oui, c'est de l'art social. Dans le fond, moi, je divise ma pratique en deux, dans le fond. Je dis que j'ai un double statut ontologique, c'est-à-dire que j'appartiens en même temps à la sphère sociale puis à la sphère du réel, si on veut, puis en même temps à la sphère artistique. Donc, je m'adresse à ces deux spectateurs-là de façon différente. Les jeunes vont avoir une perception du projet qui est vraiment propre à eux. Puis après ça, quand je suis dans un espace de diffusion, mon but, c'est pas de reproduire l'expérience puis de reproduire ce qu'eux ont perçu, mais c'est de m'adresser carrément d'une autre façon au spectateur artistique qui est un spectateur qui a d'autres références puis d'autres connaissances. Qu'est-ce qu'on retrouve justement? Parce que dans le fond, les œuvres, sans être un genre de documentaire de ton expérience, c'est plus une trace de ça, une oui. trace artistique. Oui, exact. Ça devient une démarche un peu plus personnelle. Évidemment, mon but, c'est de donner la voix aux jeunes. Donc, il y a la voix des jeunes qui est présente au centre de l'espace. Donc, on peut les écouter. Il y a 1 heure d'extrait audio de jeunes qui discutent. Autour de ça, il y a ce que j'appelle les dessins de conversation. OK. Donc, au fil du projet, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un outil parce que moi, j'agis avec les jeunes comme une facilitatrice. Mon but, c'est que la conversation se passe le mieux possible, dans le fond. Puis, j'avais besoin d'un outil pour vraiment comprendre ce que j'étais en train de faire puis les effets que ça avait sur la dynamique. Donc, je dessine cette dynamique-là, dans le fond. Fait que chaque intervention est une ligne, c'est des dessins qui sont circulaires, puis on regarde l'ensemble de la conversation en une seule image. Mm. Puis là, on peut comparer les différentes conversations qui sont réparties sur le mur, puis il y a tout un processus derrière ça qui est aussi déployé dans l'espace, un protocole un peu plus mathématique. OK. Qu'est-ce qui t'a attiré vers les jeunes secondaires comme ça? Est-ce que c'était pour peut-être le revivre toi-même, ce que tu aurais aimé vivre? Oui, c'est clair qu'il y a une partie de ça. Hein? Puis je pense que c'est quand même une expérience, le secondaire, qui nous marque tous parce que... Et comment? C'est ça. C'est un espace de notre vie où on n'est pas encore formé comme individu, mais on est assez solide pour avoir une individualité. Ce qui fait que c'est ça, c'est vraiment une période charnière dans nos vies. Puis je pense qu'à cet âge-là, dans cette période-là, les jeunes ont une facilité à être utopiste qu'on perd avec le temps, je pense. Puis ouais. c'était une volonté de sortir le débat de l'éducation de l'espèce de pragmatisme dans lequel on s'enferme. Mm-hmm, de ça dire, coûte cher, oui, mais ça prend plus de monde. Ça. Exact, exact. Puis de faire des micro-pas à chaque fois, mais qui sont pas nécessairement... qui nous empêchent de repenser l'entièreté du truc. Ben, puis de penser le système pour ses usagers. Exact, aussi parce que eux le vivent à tous les jours, puis nous, ça fait longtemps, on a oublié c'était quoi être à l'école. Ouais. Est-ce que les professeurs font partie de cette discussion-là dans ton projet? Intentionnellement, non. Je sais que... en fait, moi, j'ai considéré au départ que les professeurs avaient déjà une tribune qui était plus grande que celle que les élèves ont. Donc, j'ai décidé de consacrer vraiment l'espace que j'avais à offrir aux jeunes, carrément. Donc, les profs n'assistent pas aux discussions. Et c'est vraiment les jeunes que je consulte. C'est vraiment une bonne idée. Ben, c'est tellement rare qu'on fait ça, justement, au secondaire. Ouais. Quand on a des activités, justement, qui sont à l'extérieur des cours, ben, c'est toujours quelqu'un qui vient nous parler de manière magistrale. Puis, comme tu dis, on n'est pas encore formé, donc on dirait qu'on se fait bombardé d'informations, puis c'est plutôt rare qu'on soit demandé d'en donner, justement. Ouais. Puis quand on commence les conversations, au début, c'est, ça prend toujours une période tampon, des fois une, deux semaines même, de leur apprendre à sortir de leur position de passivité, parce qu'ils sont habitués de se faire dire quoi faire, de recevoir de l'information, puis là, ils doivent créer quelque chose, qu'ils sont toujours un peu déstabilisés au départ. Ouais. Ben, puis souvent, quand surtout dans le contexte de l'école, d'une énorme classe, de profs surmenés. Exact. T'as pas de place pour parler, même si t'as des très bonnes opinions, puis que ton enseignant aimerait ça prendre un thé avec toi, puis j'en t'auras jamais place à faire ça. Exact. C'est vrai que ça doit être un changement de paradigme pour les élèves aussi. Venant de l'extérieur, puis n'ayant pas de pression institutionnelle, c'est quelque chose que je peux me permettre de leur donner aussi. Ouais, ouais. N'ayant pas tout le vécu justement des classes surpeuplées. Exact. Ouais. Puis c'est pas ton premier projet, ce projet-là? Non. Non. Je fais de l'art social depuis quand même longtemps. Mm-hmm. Même si je suis une récente graduée, ça fait pas si longtemps que ça que je suis professionnelle, mais j'ai quand même eu le temps de faire plusieurs projets. J'ai commencé avec un projet qui s'appelait Jaser d'or, qui était, c'est des chaises dans le fond qui se mettaient sur un chariot, puis qui contenait tout un nécessaire de thé. Puis là, je donnais rendez-vous à des gens qui m'étaient inconnus dans l'espace public. On s'assoyait pour avoir des conversations sur l'art actuel, dans le fond, des conversations théoriques. Après un attachement au thé, hein? Oui. Ben, je trouve que ça rend les gens à l'aise, puis ça occupe les mains, puis c'est une façon de faciliter le dialogue pour moi. J'ai envie qu'on continue à en parler l'autre côté de la pause audio. Parfait. On se laisse pour une courte pause audio. Toujours l'artiste, le groupe néerlandais, en fait, Altingun, et c'est la piste Leila. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices, toujours à l'écoute de l'Aérospatial, magazine sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL, toujours avec Anouk Verviers en studio. Puis on parlait de thé. Avoir su, j'aurais fait une petite théière pour qu'on boive ça en se jasant. On parlait de ton intérêt pour le thé, puis dans ton art social, c'est quand même un outil assez utile. C'est un outil vraiment utile pour moi. C'est quelque chose qui est très chaleureux puis qui est très rassembleur. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est présent dans plein de cultures à travers le monde, fait que c'est vraiment intéressant. Peut-être une question anodine, mais est-ce que les jeunes aiment ça quand tu l'apportes dans les écoles? Ça dépend des sortes. Oui, hein? Il y en a des plus amères que d'autres. Moi, je suis une puriste, là. J'amène du thé en feuilles. Il n'y a pas de fraises dedans ni de pépites de chocolat, là. Puis ça, c'est toujours un petit choc, là. Ah oui, j'imagine. Mais, ouais, je finis par les convaincre. Oui, mais c'est vrai que c'est rassembleur, le thé. Justement, on parlait de ça parce qu'on parlait de tes autres projets que tu as pu faire avant. Celui-là, tu nous parlais justement d'un service à thé que tu apportais. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui se liaient un peu à cette, ouais. ce concept d'art social-là? Oui, ben en fait, ce projet-là de au milieu des bureaux empilés, ça a été inspiré par un projet qui s'appelait « Viens prendre le thé ». Qui, dans le fond, était... C'est dans une école de Montréal, qui est une école très difficile, qui est réputée comme étant très défavorisée. Puis c'est un milieu qui... c'est ça, qui est difficile, qui est chargé beaucoup. Puis moi, j'avais comme objectif d'entrer dans ce milieu-là puis de juste me laisser porter par ce qui allait arriver. Puis mon prétexte au départ, ça avait été ça. Ça avait été de dire, ben je vais créer un salon de thé dans l'école. Il n'y avait pas de café étudiant à cette époque-là. Puis, ça va me permettre de recevoir les jeunes. Je vais voir ce que ça va devenir. Puis, j'ai été là pendant 2 ans. Puis, à la fin du projet, l'espace était investi par les jeunes sur l'heure du midi qui se sont mis à discuter de leur expérience à l'école. Fait que c'est un peu ces jeunes-là de cette école-là qui ont amené au milieu des bureaux empilés en investissant l'espace parce qu'ils avaient besoin de parler de ces questions-là. Oui. Est-ce que c'est bien reçu en général par la direction? Justement, tantôt, tu disais, il y en a que oui, il y en a que non. Mm-hmm, mais mm-hmm. par exemple, ça, comment ça a été perçu par... Je côtoie pas vraiment la direction, pour être honnête, mais je pense que je remercie énormément toutes les directions qui m'ont reçu parce que je pense que c'est quand même une grande ouverture d'esprit de faire entrer une artiste dans les murs de l'école puis de me laisser la liberté d'être là, de faire ce que je veux faire, etc. Fait que c'est clair que je respecte et je remercie beaucoup les directions avec lesquelles je travaille, bien sûr. Puis là, on parle du passé, des projets que tu as réalisés. Est-ce qu'il y en a sur lesquels tu es en train de travailler ou qui s'en viennent? Ouais, en 2020, je vais commencer une résidence au 3e Impérial, mm-hmm. un projet dans leur cycle qui s'appelle « Dans le vif du temps ». Qui est un projet complètement différent. Je sors du système scolaire. Est-ce qu'il y aura du thé cette fois-là? Non, même pas, mais il y aura des bines, par exemple. Oh. C'est un projet inspiré du pot à bines que ma grand-mère m'a donné, le fond. En me disant que eux, quand ils étaient jeunes, ils mettaient les ingrédients et l'amenaient à la boulangerie. Puis le boulanger le mettait le soir dans son four à pain, puis il le reprenait le matin. Moi, ça m'a comme fascinée parce que je me disais, il n'y a rien qui nous empêche de faire ça aujourd'hui. Par contre, moi, je me demandais si le boulanger allait dire oui ou non. Ouais. Fait que le point de départ du projet, ça va être de trouver un boulanger qui prend notre pot à bine. Oh, puis après, on va voir ce que ça donne. C'est un peu un projet infiltrant. Oh, ben ouais. Puis qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne pas? Ah, on va voir. C'est une expérimentation. Le but, c'est de tester nos frontières sociales mm-hmm. puis les barrières qu'on se met qui sont pas logistiques, mais qui sont juste là parce qu'on a appris à interagir différemment. Oui. Ah, c'est super intéressant. Alors, pour revenir au milieu des bureaux empilés, donc on le disait, c'est une résidence du 14 octobre au 7 décembre, donc il te reste encore une semaine et demie environ. Déjà. Est-ce que t'es triste? Oui, quand même. Pour elle, c'est toujours dur de quitter les jeunes. Là. Moi, c'est un truc que j'ai de la misère dans la vie, les bye-bye, puis là, je me mets dans des situations où j'en ai plein à faire. Oui. Puis ça donne une exposition qui a commencé le 8 novembre, qui se termine le 15 décembre exact. Prochain. Puis dans cette exposition-là, il y a des extraits, comme tu nous disais tantôt. Mm-hmm. Je pense pas que ça a dû tout rentrer dans l'exposition, les extraits de tous les magnifiques jeunes que tu as pu rencontrer. Une heure d'extraits environ. Mais moi, au total, je suis rendue à 242 extraits de jeunes qui s'expriment. Puis ça va sur des thèmes vraiment variés. Ces extraits-là sont en ligne sur le site du projet qui s'appelle aumilieudesbureauxempilés.com. Ils sont regroupés dans une espèce de carte virtuelle qui s'étend en dehors de la fenêtre. Donc, on se promène, puis on peut écouter les différents extraits. Ils sont regroupés par thème, mais c'est pas identifié quel thème est quoi. Donc, le but, c'est vraiment d'explorer ça. OK. Puis, de quel genre de thème on parle? Politique, tu disais tantôt. Les jeunes vont parler en général. Les conversations passent beaucoup de temps sur la question des notes, le rapport du système scolaire avec l'économie aussi, le métier par lequel on les oriente ou pas, la question de l'intelligence. Il va y avoir aussi la question, toutes des questions sociales, des choses qui ne sont pas valorisées à l'école qui devraient peut-être l'être. Puis il y a des réflexions plus concrètes sur le travail des professeurs, sur les façons d'apprendre, les approches pédagogiques. Il y a exactement. Ouais. Puis il y a aussi beaucoup une bonne partie qui est sur le système suisse qui est différent d'une autre. Ah oui, parce que t'es en Suisse aussi. Qui est un système où ils vont diviser les élèves à l'âge de 13 ans en deux. Puis il y a une partie qui est formation professionnelle, l'autre partie s'en va à l'université. Fait que ça, en tant que Québécois, ça fait beaucoup réagir. C'est vraiment très intéressant. Mais leur système leur permet d'avoir un taux de décrochage qui est pratiquement nul, alors que nous, c'est un défi constant. Quand même. Ouais. Ouais. Ah, ben c'est super intéressant. Merci, Anouk, d'être venue nous voir. Ça fait plaisir. En studio. Donc, rapidement, on le rappelle, au bureau des milieux... c'est la fin de l'émission. Au milieu des bureaux empilés à Regard. Donc, ta résidence se termine le 7 décembre, mais l'exposition dure jusqu'au 15 décembre. Vous pouvez également aller voir le site web, donc au milieu des bureaux empilés.com. Puis nous, on se laisse pour une courte pause audio, la dernière de la soirée. C'est toujours Altin Gun et c'est la piste Anlatman Derdimi. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, toujours à l'écoute de l'aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Donc, dernière section de l'émission, on fait l'agenda de la semaine. La piste que vous écoutiez avant, c'était Altin Gun, qui était notre groupe découverte de la soirée grâce à Simon Roy, qui nous a fait pratiquer notre néerlandais. Donc, pour l'agenda de la semaine, dès vendredi à 17h, il y aura des ateliers ouverts au 72 rue de la Tourelle. Une occasion unique de découvrir les ateliers et de rencontrer les artistes Richard Baillargeon, Peyo Élie Séry, Marie-Claude Groux, Tania Gérard-Savoie, Tania Morin et Helga Schlitter. Ça se poursuit samedi et dimanche de 13 à 17 heures. Également vendredi, le 29 novembre, à l'Œil de Poisson, c'est la soirée de finissage de l'exposition Olfiction, dont on parlait tantôt avec l'artiste Caroline Belzile-Normand. Et c'est également la sortie de résidence de Francis Arguin. Ça commence à 18 heures. On a également toujours vendredi, le lancement de livres d'artistes d'Élie Dubois-Sénéchal au 260 Arago-Est à partir de 19h pour une soirée bien remplie avec une exposition des œuvres de Marie-André Ouimet, Joie Berthe Poire et Joël Henry, ainsi que d'Élie Dubois-Sénéchal. Il y aura un micro ouvert pour des interventions lues, chantées ou criées. C'est une soirée qui promet. Samedi le 30 novembre, au Centre Materia se tiendra un atelier de poésie avec la poète et artiste Hélène Matt sur le thème « Mots et matières » inspiré de la très belle exposition de Cindy Bellumeur. L'atelier est gratuit et il se déroulera de 13h30 à 15h dans l'espace même de l'exposition. Comme les places sont limitées, les personnes intéressées par l'atelier sont priées de réserver par téléphone au 418-524-0354 poste 221. Il y a beaucoup d'expositions qui prennent fin cette semaine à Québec. C'est aujourd'hui la dernière journée pour visiter l'exposition « Marée haute » d'Andréanne Jacques, qui est présentée à la bibliothèque Aliette Marchand. Ça tombe bien, la bibliothèque ferme à 20h ce soir, donc vous pouvez sortir de chez vous. Vous avez encore 1h30 pour aller voir l'exposition. Vous avez jusqu'à vendredi pour passer dans la galerie de Pêche Sherpa et devant la vitrine de l'École d'art sur Charest pour voir les deux volets du projet « Figure sans visage » de Fanny Hénon-Lévy, avec qui Marie-Claude Drolet s'est entretenue à l'émission il y a quelques semaines. C'est samedi le 30 novembre, le dernier jour pour visiter l'exposition « Sous le soleil » de Julie Picard à la Galerie A. Ça faisait 10 ans que l'artiste n'avait pas exposé en solo dans sa propre ville, à ne pas manquer. Plusieurs expositions se terminent dimanche, dont « Datacentrisme » ou « Le flux divin des mémoires usées » de Cindy Bellumeur au Centre Materia. À Critérium, on a « Décore ta face, maquille ta maison » de John Bertium que j'avais reçu la semaine dernière en studio. « Les grands oubliés de l'art québécois » à la Galerie AMF dans les anciens locaux de la Galerie Lacerte. Et jusqu'à dimanche aussi, pour aller visiter l'exposition photographique fluide de Vincent Galarneau à la souche Stoneham. Donc, c'est ainsi que l'émission se termine pour cette semaine. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatialeckrl.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et Instagram. Un grand merci à nos invités Gloire Mounoko, Caroline Belzic et Caroline Belzile-Normand, et Anouk Vervier. Et merci à Gentiane La France de m'avoir confié la barre de l'émission Animation que nous poursuivrons en duo la semaine prochaine. J'ai bien hâte. Merci à Simon Roy pour la musique anatolienne de cette semaine. Et finalement, merci à Jacques Gignac, le William Turner de la console. Dans quelques minutes, c'est Situation critique qui prend le relais du micro de CKRL avec Pierre Blais. CKRL. Communication. Culture. Pierre Blais, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, c'est le Black Friday. Ah, bientôt. Mon Dieu, ben oui. Bon, et qui dit Black Friday aujourd'hui dit souvent commande en ligne sur Internet. Oui, tout à fait. Et qui où dit commande en ligne? Ben, on va parler d'Amazon ce soir avec un documentaire narré par l'inénarrable Richard Desjardins. Et ça s'appelle le Amazon monde et selon Richard Amazon. Desjardins. Et on nous montre un peu comment fonctionne Amazon, les coulisses d'Amazon, mais aussi comment ça se développe du côté de Seattle. Moi, c'est ça qui m'a marqué dans le film. On va également parler d'un autre documentaire pour ceux qui aiment la lutte. Mad Dog Vachon, il vient d'une famille, les Vachons, dont Paul Vachon, la sœur Vachon, la fille Vachon. Toutes des lutteurs. Ils sont pas tous vivants, tous des lutteurs. Oh, wow. C'est un film qui a été fait sur eux, film réalisé à Québec d'ailleurs. Et enfin, un film sur le hockey tourné en partie à la Malbaie dans Charlevoix. Donc, ouais. Sur un joueur qui a un peu raté sa carrière, puis qui aimerait ça faire un retour, et son cousin, lui, c'est un jeune de 16 ans, qui rêve de devenir agent de joueur de hockey. Le titre, Les Barbares de la Malbaie. Catherine Pelletier va en parler. Je l'ai vu aussi. Ouais. Est-ce qu'on va chicaner? Oh! C'est ce que j'ai hâte d'entendre. Est-ce que tu veux nous scooper ton opinion? Je sais pas, mais moi, j'aime ça de temps en temps, la chicane. En ondes, bien, oui. Bien ben évidemment. Oui, juste en ondes. Oui, juste en ondes. Oui. Merci, Pierre. Bonne émission. Nous, c'est la fin de l'aérospatiale. On se retrouve la semaine prochaine avec, à la barre de l'émission, Gentiane Lafrance et moi-même. Donc, j'ai bien hâte de faire ça avec Gentiane. Merci beaucoup et bonne soirée. Disponible en balado-diffusion. Dans le numéro d'automne de Nuit Blanche, le livre jamais lu du poète Michel Plot. Assis sur ma galerie du quartier Saint-Jean-Baptiste, j'ai une superbe vue sur les Laurentides. Montagne, je vous écoute. La poète Ilnou Marie-André Gill et Je suis une maudite sauvagesse. Vivre ce paradoxe m'est souvent insupportable, mais je continue quand même pour la seule raison que je suis née dans ce monde. À découvrir, entre autres, une entrevue avec Caroline Georges, Notre-Dame littéraire, Parole vivante. Abonnez-vous, nuitblanche.com. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca.